j'insistais pour bien rester planqué comme un petit pédé. On dirait que je savais. Attends, mais qu'est-ce que c'est que cette musique à la con là? Mais qui c'est qui écrit un truc pareil? Mais les paroles sont nulles, c'est vraiment un chier quoi! Eh, attends, c'est pas moi qui écris ça, hein. Ah bon, c'est qui alors? Oh non, c'est pas vrai. C'est encore lui, c'est. C'est celui qui est dans ma tête. Attends, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. C'est lui. Ah. Tremblez, humain. C'est un jeune perdu et dépassé par une humanité qu'il rejette. Ici, il est rien qu'une tête de dur que les jeunes aiment traiter comme un chien enragé. Ha ha ha ha. Dans sa tête, il s'est construit un autre monde qu'il contrôle et maîtrise, mais cela ne suffit pas. Il souffre et le fera payer. C'est ainsi que je suis né. C'est quand le doc pleure que j'interviens dans sa rage et sa haine pour faire souffrir ses mortels. C'est quand le doc pleure que son âme est déchirée, que son cœur est de la purée, que je viens pour le venger. C'est quand le doc pleure. C'est quand le doc pleure que je vous massacrerai. C'est quand le doc pleure que je vous le ferai. La mort, car il est jeune et innocent. Pour ces gens, c'est marrant de le faire chialer comme un enfant. Ils ont les yeux remplis de sang et ils transpirent la jalousie et la haine. Vraiment, ce monsieur, vous êtes pitoyable et cruel. Vous êtes pitoyable et cruel. Ils auraient jamais dû te relâcher. Je suis sûr que t'es un vrai parano. C'est quand le doc pleure que j'interviens dans sa rage et sa haine pour faire souffrir ses mortels. C'est quand le doc pleure que son âme est déchirée, que son cœur est de la purée, que je viens pour le venger. C'est quand le doc pleure. C'est quand le doc pleure que je vous massacrerai. C'est quand le doc pleure que je vous le ferai payer. Il a choisi de bosser, fier et motivé, mais rêveur et dissipé. Ses supérieurs lui feront de lui un résidu de tripe haché. Assez facile face à un gamin de 16 ans. Mais vous faites quoi? Il vit, pauvre conne sous stéroïde. Faut que tu te calmes ou je te ferai fondre dans la cible. Misérable humain. C'est quand le doc pleure que j'interviens dans sa rage et sa haine. Pour faire souffrir ses mortels. C'est quand le doc pleure que son âme est déchirée, que son cœur est de la purée, que je viens pour me venger. C'est quand le doc pleure. C'est quand le doc pleure que je vous massacrerai. C'est quand le doc pleure que je vous le ferai payer. Beaucoup de gens ont tenté de l'égorger, de lui brûler son âme, mais il est toujours là, aussi fort qu'un goa'uld, et comme le crouche tu déflippes dans cette musique qui te matraque, c'est le truc qui claque. Quand le toc pleure, quand le toc pleure. C'est quand le toc pleure que j'interviens dans sa rage et sa haine pour faire souffrir ses mortels. C'est quand le toc pleure que son âme est déchirée, que son cœur est de la purée, que je viens pour le venger. C'est quand le toc pleure. C'est quand le toc pleure. C'est quand le toc pleure. Je vous massacrerai. C'est quand le toc pleure que je vous le ferai payer. Wow, wow, wow, wow, wow. Non mais sérieux, faut que tu te calmes là. C'est quand même une sacrée musique de taré là, hein. Ouais, c'est parfait pour finir un CD. Tu m'étonnes.